بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب عقوق الوالدين، الإمام البخاري رحمه الله تعالى دي dans le باب le chapitre de la malfaisance envers les parents رضي الله عنه، قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير قال عن عبد الملك بن عمير قال عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. نعم، هذا الحديث c'est un hadith qui est ثابت، il est authentique d'une chaîne de transmission qui est authentique، et كذلك il est في الصحيحين ou bien en tout cas dans le صحيح de l'imam muslim رحمه الله تعالى. هذا الحديث العلماء ils ont pas trouvé la مناسبة، يعني la pourquoi l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى il a évoqué ce hadith là dans le chapitre de عقوق الوالدين، car dans ce hadith là il fait part que le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit عن كثرة السؤال، يعني de multiplier les questions، وإضاعة المال de gaspiller l'argent، وعن قيل وقال يعني d'évoquer des propos sans se rassurer. Enfin, ils ont évoqué que peut-être que c'est une erreur des Atubba'a, ceux qui sont venus, qui ont retranscrit ce que l'imam al-Bukhari, rahimahallahu ta'ala, il a écrit dans ses feuillets. Ils ont dit que c'est peut-être les personnes qui ont retranscrit les écrits de l'imam al-Bukhari, rahimahallahu ta'ala, dans ses livres, qui se sont trompés. Il se peut qu'ils ont ajouté, ou bien il se peut qu'il y avait un bab entre les deux. Enfin, ils ont dit qu'il n'y a pas de rapport entre ce hadith-là et le fait qu'il soit dans ce bab-là, dans ce chapitre-là. Enfin, wallahu a'lam, il y en a peut-être lorsqu'il a dit waqil waqal, qu'il waqal, il y en a c'est un rapport avec les paroles. Et il se peut que, wallahu a'lam, il y en a la prue, umum al-lafd, la globalité de qu'il waqal, et que peut-être il a voulu dire que voilà, ça rentre peut-être dedans les mauvaises paroles qui sont dites sur les parents, ou bien leur transmettre des paroles dans lesquelles c'est pas assuré, et ensuite ses parents ils vont aussi à leur tour yani relater ces faits là wallahu a'lam, yani l'interpréter ce hadith là et la raison pour laquelle il a été évoqué dans ce chapitre là c'est un peu compliqué wallahu a'lam. Wallahu tabarak wa ta'alam. Hatta certains ont dit que, comme je t'ai dit, que c'était une erreur des personnes qui ont retranscrit les écrits de l'imam al-Bukhari rahimahallahu ta'ala. Fa wallahu تبارك وتعالى علم pourquoi il a évoqué ce hadith là dans ce bab. Lakin, quoi qu'il en soit, alhamdulillah, c'est un hadith al-Nabawi, hadith prophétique, et on va profiter, inshallah, des enseignements qu'il y a dans ce hadith là. Fa hahuna, dans ce hadith là qui est rapporté par Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, le fils de Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, Sakhr ibn Harb, qui faisait partie de la famille de l'oncle du prophète alayhi salatu wasalam, qui était un ennemi de l'islam, puis Allah Azza wa Jal, Yom al-Fatih, il lui a mis l'islam dans son cœur. Muawiya, radiyallahu anhu, qui fait partie des aimés dans Sahaba, radiyallahu anhu, qui est détesté zulman, injustement, par les Ashi'a, alayhi min Allah, mais yastahiqun, la siyama les al-Rafid, et kazalika la tiba'a comme al-Hawatha, ils ont un bourde de ce Sahabi. Muawiya, hatta fil Yémen, yani si jamais ils sont tous dans la région de Sa'da, ils trouvent une personne qui s'appelle Muawiya, ils vont avoir de l'hostilité envers cette personne-là, juste parce qu'il s'appelait quoi? Muawiya. Il y en a par rapport au fait que ce qui s'est passé entre Ali, radiyallahu anhu, après la mort de Uthman, radiyallahu anhu, lorsqu'ils ont demandé le prix du sang de Uthman, radiyallahu anhu, et Ali, radiyallahu anhu, il a vu que, en premier lieu, il fallait établir le khalifa. Il fallait établir le khalifa, et ensuite, une fois que le khalifa, il est établi, ensuite qu'ils allaient s'occuper de cela, et certains parmi les sahaba, ils sont qalil, ils ont dit, nous allons jamais te prêter allégeance jusqu'à ce que tu vas, en premier lieu, trouver le coupable qui a tué Uthman, radiallahu anhu. فالمهم يعني اجتهدوا الحق اللي تابعك علي رضي الله عنه parce que c'était lui l'amir donc on devait lui il devait l'écouter ça parmi les personnes qui étaient contre le fait qu'il mette en place le khalifa en premier lieu Muawiya fa il s'est passé ce qui s'est passé fait de là les chiites ils l'ont détesté et ensuite il y a حصل الخير يعني lorsque Ali رضي الله عنه est mort c'est le fils الحسن بن الحسين qui a pris sa place et ensuite il s'est il a donné il a légué sa place à Muawiya. Fa asbaha min al-muluk, il est devenu un des rois de l'islam alors que c'était une personne qui était très très pauvre. Quand Fatima ibn Qais bint Qais elle est venue voir le prophète alayhi salatu wa salam pour demander la nasiha, elle a dit ya Abu Jahm et Muawiya qui me demande la main. Fa qala amma Abu Jahm qala fa darrabun lin-nisa la yadh al-'asa 'an 'atiqi. Il a évoqué que Abu Jahm c'était quelqu'un qui était qui avait un peu la main légère, c'est-à-dire que voilà il s'énerve un peu vite. Ouais, il a évoqué une métaphore d'arabe. Il a dit la yadh al-'asa 'an 'atiqi et son bâton est toujours sur son épaule pour montrer que c'est une personne qui avait un peu la main légère. Et il a dit wa amma Muawiya fa su'lukun la malalah. Quant à Muawiya c'est quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas d'argent. Et su'luk c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement pauvre. Et regarde, yani, comme on peut voir ça, yani, ça c'est un dalil qui nous montre aussi que Al-Nabi ne connaît pas le ghaib. C'est même. Enfin, cette personne-là, Muawiya, qui était extrêmement pauvre, il est devenu extrêmement riche et extrêmement puissant. Il faisait partie des Moulouks. Donc ça, kadhalika, yani, ça c'est même pas al-Nasiha, la personne qui est, dans les débuts, qui peut être pauvre, peut devenir riche après. Elle peut devenir riche après. Donc ça veut rien dire. Al-Mustaqbal, c'est Allah Azza wa Jal qui le prédit. Muawiya, il fait partie des éminents parmi les Sahaba, radiallahu anhu. Ben, radiallahu anhuma, parce que son père aussi, c'est un Sahabi. Al-Mughira ibn Shu'ba, qui fait partie des grands et des éminents Sahaba, et même quelqu'un qui avait un grand charisme et un aspect imposant, radiallahu anhu, il faisait partie des grands Arabes. Des éminents parmi les Arabes, radiallahu anhu. Fa, hahuna, il a écrit à Muawiya, Ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, de lui écrire, de lui faire profiter des hadiths qu'il a entendu du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça nous prouve que, à leur époque, yani, un sahabi n'avait pas la totalité de ce qu'a évoqué le prophète, alayhi salatu wassalam. Comme certains, ils ont aslama muta'akhiran, ils sont rentrés dans l'islam dans les derniers moments. Enfin, il y a eu des hadiths qu'ils ont manqué. Lakin Hirsan, il était tellement évertué à savoir ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a pu dire, afin de l'appliquer et afin de le transmettre. Enfin, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'écrivait entre eux. Il s'écrivait le mukataba fima baynahum. Il s'écrivait et il demandait les uns les autres mutuellement de leur faire profiter de ce qu'ils ont entendu du prophète, alayhi salatu wassalam. Fahada, fihi yani al-faida fil mukataba, de s'écrire. Alhamdulillah, à notre époque, on a les réseaux sociaux qui nous permettent de profiter et de transmettre la religion de la manière la plus simple. Comme la personne qui peut être yani, au plus profond de ce monde-là, on peut lui transmettre al-ilm. Fa al-murasala, même al-muhatafa, le téléphone, ça fait partie des khairs dans lesquels on se doit de l'utiliser afin de profiter de la religion, afin de profiter de l'islam. Comme l'ont dit les ulama, il faut aussi profiter du nat. On l'utilise et on propage le khair en espérant que ceux qui se trouvent sur ces réseaux-là, ils entendent le khair wa la ala Allah azza wa jal yahdiyahum. Fa al-wasail qui nous permettent de profiter de la science, il faut aussi kadhalika en profiter, comme c'était le cas avec la mukataba, le fait de s'écrire. Qala yani, ensuite il a demandé à Warrad, et Warrad c'était celui qui écrivait pour lui. فأملح علي لو ادكت ce hadith là. قال وكتبت بيدي والراد دي j'ai écrit ce qu'on m'a dicté Muawiya ibn Abi Sufyan. فقال اني سمعته اي رسول الله صلى الله عليه وسلم, j'ai entendu le prophète dire ينهى عن كثرة السؤال, il interdisait la multitude de questions, وإضاعة المال, le gaspillage, mais on va expliquer en profondeur aussi les choses qui rentrent dedans. قال وعن قيل وقال, le قيل وقال le fait de relater des propos sans être assuré de la véracité de l'affaire. Ça, au cas d'ailleurs, on va évoquer aussi ce qui rentre dedans. فهنا عن كثرة السؤال قال العلماء يعني النهي هنا c'est par rapport aux سؤال qui sont multipliés dans lesquels la personne ne recherche pas comme la mise en pratique. يسأل ويسأل ويسأل ويسأل il demande énormément لكن il ne met pas en pratique. Il n'a pas fodou, il dit comme ça, il y a par curiosité, lakin sans mettre en application. Fada c'est un nahi, parce que cette personne-là, il y a ni fil haqiqa, c'est une hujjatun alayh. Hada hujjatun alayh, son qasd, il est pas tayyib. Son intention, elle est pas bonne. On pose la question dans le but d'appliquer, comme a dit subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dhikri, in kuntun la ta'lamun. Fa, le fait de poser une question, c'est une wasila, c'est l'intermédiaire qui nous permet d'acquérir la science afin de la mettre en pratique. Fa kathratu su'al, le fait de multiplier les questions, lakin de pas mettre en application. Au qu'en al ulama, kathratu su'al, c'est-à-dire, il pose des questions à droite, à gauche, afin de mettre, de semer la zizanie entre les ulama. Fait, il va voir un alim, il pose une question. Ensuite, il va voir un autre alim, il va lui poser la même question. Il va dire, ah oui, mais, toi tu dis ça, mais l'autre a dit ça. L'autre a dit ça, afin de, yatadarab, afin de mettre, d'imposer un conflit. Peut-être même il va aller voir un troisième alim, il va dire, qu'est-ce que tu penses d'une personne qui dit cela et cela, il y en a parmi les ulama qui sont à la khair. Il va voir le troisième alim, il va dire, une personne a dit telle et telle réponse sur telle et telle question. Enfin, ce alim-là, peut-être il va avoir une shidda. Celui qui a dit ça, vraiment, yani, il n'a pas de recul dans ses manières de penser, ceci et cela, il ne prend pas de recul. Enfin, yani, afin de semer la zizanie. يسأل ها هنا ويسأل ها هنا يسأل ها هنا afin de semer la zizanie. نعم كما ذكر الإمام العثيمين رحمه الله تعالى. Enfin, ça c'est yani, tout va dépendre de l'intention. Amma, celui qui multiplie les questions dans le but d'apprendre et dans le but de savoir, car le fait de poser une question كذلك c'est un intermédiaire pour prendre la science. كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى طلب العلم, il se divise en deux parties. La première partie, قال أن تجلس عند العلماء. Que tu t'assois عند العلماء, et c'est la, كما قال يعني هو طريقة المثلى. C'est le meilleur intermédiaire pour prendre la science. Car tu profites du alim, tu profites de son comportement, tu profites de la manière dont il se comporte avec les autres, en plus de sa science. Enfin, ça c'est la mère des tariqa. Et la deuxième tariqa, كما قال فهو أنك تسأل. Le fait que tu poses la question. كذلك ça fait partie du طلب العلم. Parce qu'il a dit, c'est pas tout le monde qui est موفق de pouvoir s'asseoir plutôt chez les ulama, ou peut-être yani, les personnes n'ont pas la possibilité de s'asseoir. Alhamdulillah, les dourous ils sont moussadjala, même s'il n'a pas la possibilité de partir, il peut au moins yani, en attendant qu'Allah azzawajal lui donne une issue favorable, écouter les dourous dans différentes matières et profiter, enlever l'ignorance de sa personne. Enfin, poser des questions, ça fait partie du talab al-ilm, ça fait partie de l'étude de la science. Enfin, si jamais c'est fait dans une bonne intention, même si jamais les questions sont multiples, enfin, ça rentre dans l'aïa. فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُ لَا تَعْمَلُ. Enfin, toutes les fois où j'ignore, Allah Azza wa Jal a légiféré que je pose la question. Donc même si jamais les questions sont multiples, lakin c'est dans le but de savoir et de mettre en application, et ça c'est louable. Donc là, ce qui évolue dans l'interdiction, c'est par rapport à la mauvaise intention, celui qui pose les questions, qui multiplie les questions, même ne serait-ce qu'une question là qui ne met pas en application, ou bien celui qui veut semer la zizanie entre les ulama. Qala wa ida'at al-mal. Wa ida'at al-mal, je pense qu'ils ont traduit par le gaspillage. Et ça rentre dedans. Kama qala subhanahu wa ta'ala, innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin. Ceux qui gaspillent sont les frères des shayatin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Et ne gaspillez pas, car Allah azza wa jalla n'aime pas ceux qui gaspillent. C'est le fait de gaspiller. Il faut savoir que le gaspillage dans l'islam, comme a dit le Cheikh Al-Fahmi, c'est un amr qui est nisbi. C'est par rapport à une personne. Il n'y a pas un brabit. Il y en a à partir de quel moment je suis rentré dans le gaspillage. Parce qu'il a dit, Al-Nas, c'est un qasim ila thalatha. T'as le ghani, le riche, t'as al-mutawassit, celui qui a un hal qui est ni riche ni pauvre, et t'as al-faqir. Donc, yani, annas, il téléphone par rapport à leur situation. Donc, on peut pas venir et donner un seuil à partir de là. Si jamais tu dépenses tel et tel argent, tu rentres dans le gaspillage. Fait dire à la hasab. Il dit, mathalan, la personne qui est riche. On va dire, mathalan, une personne qui touche 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, et qui s'achète une paire de chaussures à 100 euros, ou bien qui s'achète même une paire de chaussures, on va dire, à 1 000 euros, et que ça n'affecte pas sur le fait qu'il paye le loyer, le fait qu'il paye les charges et tout ça, qu'il s'occupe de ses enfants, de sa famille, pour lui, 1 000 euros, c'est rien. Pour mettre dans une paire de chaussures, parce qu'il a un salaire qui est conséquent, qui est 10 000 euros, qui lui permet de pouvoir se faire plaisir. Naam, ça est un gaspillage pour une personne qui touche le SMIC, on va dire, 1 500 euros. Tam, il vient, il va mettre 1 000 euros dans une paire de chaussures. Ça fait rala, yani, naam. Ça, c'est le safa, c'est même plus de gaspillage, c'est même pas le safa. Comment tu vas mettre 1 000 euros dans une paire de chaussures alors que tu gagnes que 1 500 euros? Ça, yani, c'est du gaspillage. Et encore pire, al-faqir, qui n'a rien du tout, et qui veut faire, yani, qui veut se faire passer pour un riche, au point de demander de l'argent à droite à gauche pour s'acheter ce que s'achète le riche. Sahada kadaika, c'est même pas basafa. J'ai pris la parole de l'imam al-Rafaim, rahimahullah, on va la lire. C'est une parole importante qui nous permet de comprendre et de dissocier quand est-ce qu'on rentre dans le gaspillage. Al-Faqar, rahimahullah, ta'ala, et la parole, on peut la retrouver dans Sisila, لقاء الباب المفتوح لفتوى 107 dans le chapitre مسائي الأخلاق les mauvais comportements. Le titre de la question: ضابط الإشراف يرجع إلى العرف. La norme qui nous permet de dissocier l'israf, le gaspillage, elle revient à العرف, c'est-à-dire à la coutume. قال رحمه الله تعالى: الإشراف هو مجاوزة الحد. الإسراف, le gaspillage, c'est le fait de dépasser une limite. قال وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يحب المسرفين. Il a évoqué qu'Allah عز وجل dans son kitab, dans le Coran, il a évoqué qu'il n'aimait pas les musrifin. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال وإذا قلنا أن الإسراف مجاوزة الحد, et lorsque, à partir du moment qu'on sait que l'إسراف, c'est le fait de dépasser une limite, قال صار الإسراف يختلف. Il a dit que, à partir de ce moment-là, on peut comprendre que al-israf, eh ben, il sera interprété de différentes manières. قال فقد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لفلان. La chose qu'une personne va acheter sera considérée comme un gaspillage pour telle et telle personne. قال وغير إسراف بالنسبة لفلان. Et pour une autre personne, ben, ça sera pas du gaspillage. قال فهذا الذي اشترى بيتا بمليونين. من الريال, celui qui achète une maison à 2 millions de rial, yani saoudi. واثثه ب 6000 واشترى سياره قال اذا كان غنيا فليس مسرفا. À partir du moment que cette personne est riche et que ça n'affecte pas, je sais pas, on va dire مثلاً, cette personne là touche 15 millions de rial, pour lui c'est rien du tout. Une maison à 2 millions, ensuite le meublé à 600 000, pour lui c'est rien du tout, tu vois, c'est rien du tout. قال واما اذا كان ليس غنيا فانه يعتبر مسرفا. Celui qui n'est pas riche, متوسط حتى, يعني qui touche مثلا que 1 million, نعم, هذا c'est du gaspillage. قال واما اذا كان ليس غنيا فانه يعتبر مسرفا سواء كان من اوسط الناس او من الفقراء. يعني que soit une personne qui soit d'un rang social qui est normal ou bien qui soit pauvre. قال لأن بعض الفقراء يريد أن يكمل نفسه. Certains des فقراء veulent être يعني comme les riches. قال فتجده يشتري هذه القصور الكبيرة, comme ceux qui font des prêts immobiliers et آخره من الربا. قال ويستثها بهذا الأثاث البارق, et le meuble, il dépense beaucoup d'argent dans le fait de meubler la maison. قال وربما يكون قد استدان بعضها من الناس فهذا خطأ. Et il se peut qu'il a pris un peu cet argent-là, il y en a des personnes, il a pris des dettes. Ceci est une erreur. قال فالأقسام ثلاثة. الأول غني واسع الغناء فنقول إنه في وقتنا الحاضر ولا نقول في كل وقت. إذا اشترى بيتا بمليونين ريال وأثثه ب600,000 ريال واشترى سيارة فليس مسرفا. يعني la première personne, c'est celui qui est غني, celui qui est riche, extrêmement riche, à notre époque, comme il a dit, et qui touche tel et tel salaire et qui peut se permettre d'acheter une maison à 2 millions et de meubler à 600 000, fait il dit cette personne n'est pas un gaspilleur. والثاني الوسط, celui qui est ni un gaspilleur ni un riche et celui qui est ni un pauvre. قال فيعتبر بحقه إسرافا, celui-là sera considéré comme un gaspilleur. والثالث الفقير, قال فيعتبر في حقه سفها, celui-là il sera considéré comme un السفيه, يعني celui qui est faible d'esprit. نعم. ف لا اون كومبرون ك الاسراف يختلف تام بس كون انتوندو انورمومون يعني سورتان دي وا تلي تل بيرسون كي ريش تام اي غاسبيي تلي تل ارجون تام il a fait du gaspillage et ceci et cela. Et lui, il regarde par rapport à ses rentrées et ses revenus. Tu ne peux pas considérer que cette personne a gaspillé si jamais tu regardes toi par rapport à tes revenus. Pour lui, c'est rien. Pour lui, c'est rien. La personne qui est d'une classe sociale qui est normale, qui va s'acheter une paire de chaussures, je ne sais pas, Masalana, à 60 euros. Le fakir, il va dire, c'est du gaspillage. Tu aurais pu acheter une paire à 5 euros. Une paire de top 3, comme à l'époque on disait. Tu vois. Il va dire, pour lui, c'est du gaspillage. Il va dire, pourquoi tu as acheté une paire à 50 euros? Or, il y a des paires qui te permettent de marcher à 5 euros. Chaque personne, par rapport à ses revenus, va penser que l'autre, il est quoi? Il est gaspillant. Là, à l'Israël, c'est par rapport à cette personne-là. La personne qui est riche. Quelle est la possibilité de s'acheter un avion, un bateau, une moto, une voiture? On va pas dire que c'est du gaspillage. L'avion, on en a besoin pour voyager, pour des longues distances. Le bateau, si jamais il a besoin de traverser la mer. Enfin, s'il a un besoin pour s'acheter ce véhicule-là, la moto, si jamais il y a des embouteillages. Et la voiture, pour... si jamais il veut partir avec sa famille, il y en a en famille. Et le vélo, si jamais il a envie de faire un peu de sport. Et scooter, des mères, qu'est-ce qu'il a envie de se faire plaisir. Est-ce qu'on va dire, pour lui, c'est du gaspillage? Oh, il a trop, il n'a pas besoin. Il a une voiture, pourquoi il prend une moto? Ceci. Non, c'est pas du gaspillage. Il en a besoin. La KNL1, les personnes qui ont 70 000 montres. Et ils s'achètent, yani, voilà les montres. Ah, on va dire, dans son firaki, c'est du gaspillage. Yani, quel est l'intérêt d'acheter plusieurs montres, or t'en as une? Firaki, on va dire, ça, c'est du gaspillage. Qu'est-ce que la personne qui s'achète, yani, comme on le voit chez les riches, Batlovic, yani, une trentaine de voitures. Il n'y a pas d'intérêt à faire cela. Tu as une voiture qui te permet de te prendre d'un point A à un point B. On va dire, maintenant, un voiture de sport a besoin lorsqu'il va aller vite. Et une voiture pour la ville, naam, mafhoum. Pour tel et tel intérêt. Les clients, si tu achètes, yani, 30 voitures de sport, yani, quel est l'intérêt de faire cela, excepté à l'israf? Il va rentrer dans l'israf. La personne là, il va rentrer dans l'israf. Il s'achète une multitude de choses dont il n'en a pas besoin. Il va rentrer dans l'israf. Même si jamais il a le salaire qui le permet de faire cela. Ça sera de l'israf yahakihi. Qala, wa idaatul mal kadhalika, ça rentre dedans, Bartlofik, le fait de gaspiller l'argent, fi marsiatillahi azawajal. Idaatul mal, c'est le fait de dissiper l'argent, fi marsiatillahi azawajal. Ça rentre dans l'nahi. J'ai de l'argent et j'utilise fi marsiatillah hada min idaatil mal, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé de placer l'argent dans son agrément. Et kadhalika, ça rentre dedans dans idaatul mal, le fait de donner l'argent à des personnes qui ne le méritent pas, des personnes qui le dépensent dans le mal. Fahada kadhalika, ça fait partie min idaatil mal. Qala subhanahu wa ta'ala, wa la tu'tu as-sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama. Et ne donnez pas votre argent à des personnes qui sont faibles d'esprit, yani des personnes qui sont pas rachites, des personnes qui vont utiliser cet argent-là dans le mal. Enfin, le fait de passer cet argent-là à ces personnes-là, yani ça fait partie d'une ibaratul mal, comme l'enfant qui n'est pas encore, yani dans le, qui a pas atteint l'âge de distinction qui lui permet de savoir comment utiliser à bon escient l'argent. Enfin, on ne doit pas lui mettre l'argent dans les mains. S'il a besoin d'une chose, une sucrerie et l'akhirie, on va nous-mêmes lui acheter. Car il n'a pas encore atteint l'âge de pouvoir être responsable et de dépenser de lui-même. Ça rentre dans ces kadhalika, le fait de donner l'argent à tawkil al-mal et la ghayridawi, le fait de passer l'argent, ou même déplacement, comme c'est le cas avec des personnes qui sont dans ce métier-là, lakin qui ne sont pas des personnes de confiance. Tout ça fait partie de l'idaat al-mal. Donc ça rentre dans le gaspillage, al-israf. Ça rentre dans le fait de le dépenser dans le fumer satillahi razawajal. Dans la désobéissance à Allah Azzawajal, et le fait de léguer nos biens à des personnes qui ne méritent pas. Qala wa an qil wa qal. Qil wa qal, ça rentre dedans an-namima. Comme le fait de relater des propos, et je vais lui transmettre ce qu'il a dit dans le but de semer la zizanie entre les deux. Amma mathalan al-an, j'entends une personne parmi les takfiri qui est en train de monter un plan pour faire un attentat. Et je m'en vais voir le juge ou bien les personnes qui sont responsables parmi les policiers et l'akhiri afin de les dénoncer. Ça ne rentre pas dans la mima. Ah, c'est même pas nasiha. Je crois que c'était Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lorsqu'il a entendu la personne qui a dit sur le prophète alayhi salam, on n'a pas vu des personnes avec de tels ventres qui sont aussi lâches dans le combat Quand lorsqu'il a entendu cela, il est parti, il a dit, Wallah, la akhbaranna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il a juré par Allah qui va mettre au courant le prophète, alayhi wa sallam, de ces propos-là. Donc, fahada, ça ne rentre pas dans, quand le fils qui a dit, il waqal, ou bien que cette personne-là, yani, ça a été un trait, il a fait. Ben, le trait, c'est celui qui se tait. Il entend ces personnes-là monter des plans, et il le sait, il est au courant, hein, ou bien, il y a une aqida qui est dangereuse pour la umma, comme la aqida des takfiriyins, et il entend dire ces propos-là, avoir cette aqida-là, et il les dénonce pas. Après la nasiha, bien sûr, toi. Tu sais que cette personne-là, il est entêté, et qu'il y a un point de non-retour. Enfin, ton devoir à Hana, c'est de dénoncer ces personnes-là. Ça rentre pas dans la mime à Hana. Lakin entre deux frères, qui s'aiment fillahi azza wa jal, un jour, je sais pas, un shaitan, il a waswasa ilayhi, il s'est mis à mal parler, toi tu l'entends et tu vas transmettre. Là, ça, il est dans le but de semer la zizanie entre eux. Hada wa namima. Qala wal riba, qu'elle a les 40 de sa rentre dedans, al-riba. Al-riba, le fait de dire une chose sur son frère pendant son absence, c'est une parmi les choses qui n'aiment pas être dit sur lui. Là, c'est une personne qui est assez obèse. Comme tu dis, Yanni, l'obèse, il m'a dit ceci, cela. Il est pas là, il n'aime pas qu'on dise cela, Yanni, en son absence. Et toi, tu le dis. Ça, c'est le riba. Ça rend dedans, donc, qu'il doit qu'il. Qala l'ulama kadaika naql al-akhbar. Le fait de transmettre des informations sans s'en être, bien auparavant, assuré de la véracité. Ça rend dans qu'il doit qu'il. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans les journaux. Cheikh al-Mughba, rahmahullah ta'ala, il a dit, celui qui veut s'asseoir avec les menteurs, il n'a qu'à s'asseoir avec les journalistes. Man arada an yajlisa ma'a al-kadhdhab, falyajlis ma'a as-suhufiyyin. Celui qui veut s'asseoir avec les menteurs, qu'il s'assoit avec les journalistes. C'est clair, ces personnes-là, c'est leur boulot. Donc si jamais des fois ils n'ont pas des informations qui sont véridiques, ils vont mentir. Parce que leur boulot à eux, leur boulot, c'est de transmettre des informations. Ils se font de l'argent par rapport à ça. Donc, que ce soit vrai ou pas, à un moucher, c'est qu'ils transmettent. Et que les gens, ils lisent. Et même des fois, les fake news, ça les arrange. Enfin, il faut faire attention dans les journaux à pas transmettre, parce que dans cette démarche-là, on peut rentrer dans qu'il ou qu'al. Naham. Wa kadhalika qu'il ou qu'al al-kalam al-fadi, des propos sans intérêt. La multitude de propos qui sont sans intérêt. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'minu billah wal-yawm al-akhir falyakul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Et il dit l'imam Manawi rahimahullah ta'ala dans l'explication de ce hadith-là dans Riyad al-Salihin, il dit al-khair falyakun khayran, il dit le bien c'est quoi? C'est celui dont on sait qu'il y a un profit, qu'il y a une maslaha. Il dit si jamais il doute du profit de ses propos, fait dans ce cas-là il se tait. Dans ce cas-là il se tait. As-salama c'est qu'il se taise. Naam. Le hadith al-akhar, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima min sakhatillah. Et il sait pas que c'est min sakhatillah. Et cette kalima-là, elle va le jeter en profondeur dans l'enfer. Fadinsan, il fait attention aux choses qui sortent de sa bouche. Fait les vite lorsqu'il voit qu'il y a peu de qal Allah qal Rasul qui sort de sa bouche, qu'il fasse attention à ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est en résumé du hadith, inshallah. On va se contenter de cela, sallallahu alayhi wa sallam. Yann Farana, wa yak, bima sami'ana.